Bonjour, chers compatriotes. Bonsoir pour ceux qui sont au Gabon et qui peuvent naturellement me suivre. Bonjour pour ceux qui sont ici aux États-Unis et au Canada et les pays limitrophes. Ce qui m'amène cet après-midi vous entretenir, c'est par rapport à la situation. Il y a eu des alarmes ça et là à propos de la compagnie Bureau Veritas. Ce qui m'amène personnellement pour de parler de cette entreprise, c'est parce que je connaissais, je ne sais plus s'il est toujours là-bas, hein, Monsieur le Maître, qui était le... Monsieur le Maître, qui était... Oui, bonsoir. Monsieur le Maître était naturellement le directeur général de Bureau Veritas entre les années 1990 jusqu'en 1996. Bonsoir, Kombila. Bonsoir, tout le monde. Dans la limite du temps, je ferai de mon mieux hein, de juste à vous entretenir pour 30 minutes sur ce sujet combien important, qui aujourd'hui, vous verrez bien le titre. Ce titre paraît peut-être un peu... ferait rigoler certains membres du gouvernement d'Ali Bongo Ondimba, mais c'est la vérité que Bureau Veritas est en train d'affronter ou s'est fait enfariner par Ali Bongo Ondimba, l'usurpateur mafieux. Je crois le terme est bien approprié parce que il a usurpé le pouvoir. Il est passé par la force, il est passé par le feu, il est passé par les armes. Et je disais également que c'est mafieux parce que toutes ces entreprises étrangères qui pour la plupart ont signé des contrats avec l'État gabonais sont en train de quitter le Gabon. Vraiment, les Gabonais se posent bien des questions. Bon, écoutez, moi ce qui m'intéresse... pour le cas de Bureau Veritas, c'est parce que quand j'étais au Gabon, j'ai travaillé pour une entreprise appelée SGS. Ça n'a rien à voir avec la société de gardiennage. Hein. Ça, c'est une société suisse. C'est la Société Générale de Surveillance Suisse qui est basée à Genève. Et j'étais donc dans la branche Redwood. Et ce que nous faisions, c'est pratiquement... je pourrais dire que SGS, donc Société Générale de Surveillance Suisse, est l'un des grands concurrents de la compagnie Bureau Veritas dans l'OTAN. Et ce qui va m'amener aujourd'hui de vous parler de cette entreprise Bureau Veritas, c'est parce que je ne sais pas si d'autres en ont parlé, mais moi je viens ici vous apporter ma petite contribution du fait que j'ai travaillé quelques mois pour cette entreprise et je connais également des amis qui travaillent pour cette entreprise là, française, Bureau Veritas, dans le domaine de l'expertise, dans le domaine du pétrole. Faut-il que je vous fasse une petite histoire de cette entreprise? Moi, je ne sais pas en quelle année elle a ouvert ses portes au Gabon. Mais je sais seulement une chose, c'est que Bureau Veritas existe depuis 1828 en France. C'est une société qui est... le professionnalisme est reconnu dans le monde entier. Ils sont partout. Ils sont jusqu'ici aux États-Unis. Bureau Veritas. C'est une très grande société française. Et cette donc entreprise française se spécialise dans la certification. Elle se spécialise dans la certification dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine du contrôle de ce que nous, à l'époque, quand je travaillais pour la Société Générale de Surveillance Suisse, on appelle ça les PVI et les PVE. Les PVI et les PVE, ce sont des programmations de vérification à l'importation et programmation de vérification à l'exportation. Alors, cette entreprise est spécialisée dans tous ces domaines-là. Ils sont experts dans l'agroalimentaire, ils sont spécialisés dans le HSE, donc le Health Safety Environment, donc dans le domaine santé, sécurité, santé environnementale. Ils ont également des laboratoires. De manière générale, j'ai été dans leur site, j'ai vérifié. Quand j'avais fait quelques voyages d'inspection, où ils sont bien implantés au niveau de la Côte d'Ivoire, Au Gabon également, comme je disais, j'ignore l'année à laquelle l'entreprise a commencé, mais je sais que en 1990, j'ai fait la connaissance de Monsieur Lemaître, qui était le directeur général à l'époque, le Bureau Veritas, et qui d'ailleurs, quand je travaillais pour le compte de la Société Générale de Surveillance Suisse, avait sollicité mes services pour que je puisse abandonner là où je travaillais pour aller travailler également pour le compte du Bureau Veritas en tant qu'inspecteur de qualité, quantité, inspecteur de pétrole. Parce que, pour votre information, Bureau Veritas également excelle dans le contrôle des hydrocarbures. Ils excellent dans plusieurs contrôles, disais-je. Donc, ils sont dans l'inspection quantitative et qualitative des grumes. Vous voyez les grumes, donc le bois qui sort du Gabon. Il n'y a pas d'autres entreprises qu'on fait appel. C'est bien Bureau Veritas qui fait les mesures. Ils font des mesures quantitatives, des mesures qualitatives également. Et ils font des vérifications donc à l'importation et l'exportation. Donc au niveau du Gabon, ils avaient ce gros contrat-là qui leur apportait beaucoup, des centaines de millions. Et j'en sais quelque chose. Car à l'époque, quand on m'avait sollicité comme inspecteur de PVI et de PVE, pour ceux qui viennent d'arriver, PVI, PVE veut dire programmation de vérification à l'importation et à l'exportation. Donc tous les biens qui sortent du Gabon, vous citez, partant des véhicules, la nourriture, tout ce qui est bien rentrant et sortant du Gabon était sous le contrôle de cette entreprise indépendante française appelée Bureau Veritas. Quel était leur rôle? Leur rôle était de faire un rapport sur les PVI et PVE, donc de tout ce qui rentre et sort, et remettait ce rapport-là au gouvernement gabonais. Et lequel gouvernement gabonais, donc, en fonction de ce rapport pourrait éventuellement soit approuver cela et dire oui, travail bien fait, ou bien, compte tenu des remarques et du rapport de Bureau Veritas, qui peut-être aurait rencontré une entreprise qui n'a pas respecté le code tarifaire de la douane gabonaise, ou bien n'a pas respecté en matière d'environnement. Et là, quand je parle en matière d'environnement, je fais allusion par exemple au pétrole. Qu'en dehors de la DGH à l'époque, Direction Générale des Hydrocarbures, il y avait également, et ils existent jusqu'à présent, puisque j'ai des amis qui sont restés qui le font. Tous me connaissent. J'étais inspecteur également de pétrole, contrôle quantitatif et qualitatif. Et donc, nous assistions parfois à de la pollution en haute mer là-bas. Et donc, le Bureau Veritas n'en échappait pas. Bureau Veritas faisait également le rapport sur ça et envoyait ça au gouvernement pour dire, ben voilà, tel pétrolier sur nos côtes a pollué, a balancé tant de tonnes de pétrole. Et le gouvernement donc gabonais devait agir par l'entremise de sa Direction Générale des Hydrocarbures, qui avait une antenne à l'époque à Port-Gentil, je ne sais pas si ça existe encore. Donc, ainsi, n'est-ce pas, faisait son rapport. Et dans ce rapport, donc, le gouvernement gabonais devait d'abord payer Bureau Veritas sur le travail qu'il faisait, et ensuite prendre des sanctions contre ces pétroliers-là ou ces bateaux étrangers qui venaient polluer nos côtes. Bon, la suite, je ne peux pas vous en parler parce que je ne maîtrisais pas quelques circuits, occultes, qui se passait ou qu'est-ce qui se passait. Donc, ils sont, comme le témoigne quelqu'un ici, qui sont également dans les laboratoires médicaux. Bon, au niveau du Gabon, ils étaient beaucoup plus spécialisés, comme je le disais. Ils étaient spécialisés, donc, comme je le disais tantôt, puisque moi-même, j'étais dans le monde du pétrole. Ils étaient donc dans l'expertise du contrôle qualitatif, quantitatif. Ils étaient dans le génie civil. Et ils sont toujours, d'ailleurs. Ils régulent les ascenseurs. Donc, tous les ascenseurs que vous voyez, tous les grands immeubles que vous voyez à Libreville, même à Port-Gentil, dans toutes les grandes villes du Gabon, c'est Bureau Veritas qui s'occupait de l'expertise et du contrôle pour s'assurer qu'il n'y ait pas un incident ou bien que l'ascenseur ne se bloque pas ou que les gens ne meurent pas asphyxiés pendant les descentes, montées et descentes dans l'ascenseur. Donc, c'est Bureau Veritas qui avait également ce contrat-là. Et ils avaient également le contrat, pour ne pas me répéter, de l'import-export. Et autre chose, toutes les stations d'essence là que vous voyez à Libreville, à Port-Gentil, dans tout le Gabon, c'est Bureau Veritas qui s'est chargé également, et je ne sais pas s'ils le font jusqu'à présent, mais qui se chargeait également du contrôle qualitatif et quantitatif vous verrez qu'ils ont ce qu'on appelle des scellés. Moi, à l'époque, quand je travaillais pour la Société Générale, comment dirais-je, la Société Générale de Surveillance Suisse, SA, expert également en matière de contrôle quantitatif et qualitatif dans tous les domaines, hein, du gros alimentaire, import-export, pétrole, mais moi j'étais dans le domaine du pétrole. Donc la branche que nous, pour laquelle nous travaillons, c'est Redwood. Redwood, c'est celle-là qui était spécialisée dans le pétrole. Donc nous utilisons ce qu'on appelle des scellés. Donc quand vous partez dans ces stations à essence-là, vous verrez les scellés de Bureau Veritas. Hein, il les scelle, c'est-à-dire ça prouve que cette station à essence a été inspectée par Bureau Veritas. Donc, après leur expertise, ils mettent un scellé, ce qu'on appelle en anglais de seal. Et vous verrez le nom de l'entreprise dessus. Bon, en dehors de Bureau Veritas, il y avait nous, à l'époque, quand nous avions. Bon, je sais que nous, ça existe encore, la société SGS, donc la Société Générale de Surveillance Suisse, à ne pas confondre avec la Société de Gardiennage. Parce que moi-même, quand je disais aux gens que j'étais inspecteur à la SGS, les gens pensaient que j'étais inspecteur, je ne sais pas, des gardiens. Mais ça, c'est une société suisse qui existe. C'est la société concurrente de Bureau Veritas. Donc, disais-je, ils sont donc dans tous les domaines. Et c'est pas. Je vais vous dire les revenus qu'ils généraient au niveau du Gabon. Je ne viens pas déballer des secrets. Ce n'est pas un secret puisque j'ai essayé d'appeler le Bureau Veritas depuis que cette affaire-là est sur. Comment dirais-je, sur la toile là, j'ai donc contacté quelques amis et j'ai pu avoir le nouveau directeur par intérim qui assure les affaires courantes. Que Bureau Veritas, donc, vers les années 2015, c'est là ils ont connu une chute considérable, la chute financière, les entrées, car l'État gabonais qui était pour la plupart dans leurs activités en dehors de certaines entreprises, mais leur plus grand comment dirais-je, contracteur, pour ne pas dire leur plus grand client, c'était l'État gabonais, le gouvernement gabonais. Parce que c'est le gouvernement gabonais qui avait demandé, qui avait mandaté à Bureau Veritas, à ce que je sache, sous Albert Bernard Bonngo à l'époque, pour ne pas dire sous Omar Bongo, de s'occuper des PVI, des programmations de vérification à l'importation, et des PVE, des programmations de vérification à l'exportation. Donc ce Bureau Veritas a constaté, d'après mes informations que je reçois, ils ont constaté que, effectivement, l'État gabonais ne les payait plus. Depuis 2015, il y a eu une chute considérable, hein, de leurs revenus. C'est-à-dire que l'État gabonais n'arrivait plus à assumer leurs responsabilités. Mais le groupe, d'une manière générale, en l'an 2016, dans son ensemble, a eu un revenu de 5 milliards d'euros. Et dans les 5 milliards d'euros de revenus, soit l'équivalent à peu près de 7 milliards de dollars. Allez-y calculer ça en francs CFA, mais mon Dieu, ça va être des milliers et des milliards. Les chiffres sont peut-être vertigineux, mais c'est pour vous dire que malgré cette. Là, je parle de manière globale, hein, le revenu du groupe Bureau Veritas, qui sont très bien implantés en France, ils sont très bien implantés dans toute la zone de l'Europe d'ailleurs. Hein, ils ont un autre nom au niveau de l'Allemagne. Mais ça maintient toujours le nom Veritas, parce qu'ils ont sous-traité également, je crois que c'est Spichknisch Veritas, c'est au niveau de la Hollande. Et au niveau des États-Unis, ils ont gardé leur nom original, Bureau Veritas. Ils existent ici également. Ici, au niveau d'ici, ils sont beaucoup plus spécialisés, comme je le disais. En tout cas, là, ils n'ont pas. Il y a la compétition, mais apparemment, ils maintiennent le lead, c'est-à-dire ils maintiennent leur. Comment dirais-je, leur rang en tant que première entreprise et la concurrence, vraiment, il n'y a pas de concurrent qui peut les battre en termes du contrôle des ascenseurs. Hein, dans tous les bâtiments ici, aux États-Unis, en Europe, partout, vous voyez tous ces ascenseurs qu'on utilise, c'est Bureau Veritas. Vous verrez même leur grand signe, leur cachet qui est là, Bureau Veritas. Alors, comme je disais, ils ont eu un revenu de 5 milliards en 2016. Mais à partir de 2016-2017, ils ont eu une chute, ils ont eu une perte. Bon, moi je ne sais pas, moi je ne maîtrise pas leur dossier international. Ça, c'est des informations que j'ai reçues, je fais mes petites recherches. Bon, maintenant, est-ce que le Gabon a contribué également à cette chute? Oui, j'ai dit oui. Donc, regardez bien mon titre. J'ai bien dit que Bureau Veritas s'est fait enfariner par le mafieux par l'usurpateur Ali Bongo Ondimba. Alors, si je mets le nom d'Ali Bongo Ondimba, c'est parce que c'est lui qui, en 2009, a forcé de prendre le pouvoir, alors que ce n'était même pas lui qui avait gagné l'élection. Bon, les Gabonais se sont dit, bon, on le laisse là. En 2009, M. Ali Bongo Ondimba peut peut-être rester, il n'y a pas de problème, on lui accorde une seconde chance. Nous autres, là, on a dit, ok, là, allons-y. On m'a même sollicité de rentrer dans ce gouvernement. J'ai dit, non, moi, j'observe d'abord. Je lui accorde 7 ans pour voir si vraiment il y aura un changement pour le Gabon. Ben, 7 ans plus tard, le constat fut amer. Et Bureau Veritas fait partie de ces entreprises qui ont connu des bas et des hauts avec, avec l'État gabonais. Alors donc, quand je dis bien ici que les PDGistes me pardonnent, mais écoutez, mes termes sont bien mesurés. Quand je dis Bureau Veritas s'est fait enfariner, s'est fait enrouler, s'est fait avoir par le mafieux Ali Bongo Ondimba, ben c'est parce que justement, des promesses ont été faites à l'entreprise Bureau Veritas, qui est une entreprise française, que la situation devait être arrangée, parce que quand Ali Bongo Ondimba prend le pouvoir en 2009, avant 2009, entre 2005 et 2008, Bureau Veritas avait des hauts et des bas. Parce que je vous dis, j'ai des amis qui sont jusqu'ici, qui sont des inspecteurs, et même un parmi eux est monté, l'un des chefs de service à Bureau Veritas. Donc, je bavarde, je discute avec lui. Il me dit que donc, durant cette période-là, même sous le règne du père Bongo, les choses n'allaient pas vraiment à bon échéant avec l'entreprise Bureau Veritas. C'est-à-dire, Bureau Veritas, à chaque fois qu'ils déposaient leurs factures, l'État gabonais prenait du retard pour payer leurs factures, prenait du retard pour satisfaire à leur demande. En entendant, Bureau Veritas, à l'époque, avait des milliers d'employés au niveau du Gabon. Et ce qui fait que, donc, depuis 2007-2008, il y a eu une réduction du personnel, des gens ont abandonné, et certains même sont venus travailler auprès d'autres entreprises concurrentes, telles que celles que je viens de vous citer, Société Générale de Surveillance Suisse, là, la SGS SA, dont également fait les PVI et PVE. Donc, c'était pas seulement sous l'époque d'Ali Bongo Ondimba. Donc, Ali Bongo Ondimba, donc, quand il prend le pouvoir, il promet à l'entreprise Bureau Veritas que tout va aller à travers son gouvernement. Donc, à travers son gouverneur, ce type-là, il était professeur d'université. Donc, ce type avait promis que la situation devait être arrangée. Bureau Veritas continue à faire son boulot. L'État gabonais n'a pas respecté toujours le contrat. Donc, les employés de Bureau Veritas, au fur et à mesure, Bureau Veritas donc, va réduire le nombre de ses employés parce que, craignant que la somme de travail, le contrat qu'ils avaient avec l'État gabonais, malgré le travail qu'ils faisaient, l'État gabonais n'était pas en mesure de pouvoir payer régulièrement leurs factures. Ce qui fait et ce qui explique que finalement, Bureau Veritas va commencer à connaître une crise face au gouvernement gabonais. Donc, ce que je voulais dire à propos de cette crise, merci beaucoup, Monsieur Onaondo, merci. Monsieur Onaondo, qui était ministre à l'époque. Et c'est Monsieur Onaondo, là, effectivement, qui avait ce dossier de Bureau Veritas entre ses mains. Donc, par rapport à cette situation, je vous dis aujourd'hui, l'État gabonais doit à Bureau Veritas, depuis 2008, Ali Bongo va dire, non, moi j'ai plus le pouvoir en 2009, ça ne me regarde pas, en tout cas, ainsi de suite. Mais il aurait dû pallier, il aurait dû résoudre ce problème-là. Parce qu'à l'époque, les arriérés étaient de près de une somme de 55... Qu'est-ce que j'ai dit? Combien de millions? 550 millions de francs CFA d'arriérés à la compagnie Bureau Veritas. 550 millions de francs CFA. Vous vous rendez compte, 1,5 milliard. Il y avait déjà ces arriérés-là en 2008, entre 2007 et 2008. Monsieur Ali Bongo Ondimba, quand il prend le pouvoir, lorsque le gouvernement qui va former dans les jours qui suivent, dans les mois ou l'année qui suivait avec, sous monsieur Onaondo, il y aura réunion entre les responsables du Bureau Veritas et ce dernier pour pouvoir tacler cette situation ou ce problème ou le résoudre. Malheureusement, nous savons la suite. Donc, jusqu'à... En 2016, la situation s'est empirée. Jusqu'à aujourd'hui, en 2019, en 2018, autant pour moi. D'abord, en 2017, la compagnie Bureau Veritas avait émis un cahier de doléances auprès du gouvernement gabonais pour leur faire part que si cette situation perdure, nous ne serons plus en mesure de pouvoir comment dirais-je, pourvoir nos services auprès de vous, parce que voici les arriérés, voici le cahier des charges, jusqu'ici vous n'avez rien payé du tout. Donc, comme j'ai promis, je ne vais pas trop vous garder longtemps sur cette affaire. L'État gabonais a prouvé une fois de plus aux yeux des investisseurs et des entreprises françaises que c'est un État voyou. Donc, l'État gabonais doit des milliards, je vous dis bien, doit des milliards de francs CFA à Bureau Veritas. Parce que ceci s'est accumulé depuis l'époque du père jusqu'en 2017. Vous êtes entrepreneur, vous avez des centaines d'employés, voire des milliers, dans un pays. Mais maintenant, les services que vous rendez ne vous sont pas récompensés. Vous travaillez pour l'État, vous travaillez pour un gouvernement, hein, qui vous promet mondes et merveilles, qui vont vous payer vos factures et rien n'est fait. Et vous avez des pères de famille, des mères de famille. Et qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Alors, ils ont compressé quelques Gabonais. Donc la situation alarmante dans laquelle se retrouve aujourd'hui le Gabon, c'est parce que l'État gabonais s'est comporté comme des voyous. Ils doivent des milliards de francs CFA à la société Bureau Veritas. La société donc Bureau Veritas, qui est une société française, se voit dans l'obligation de pouvoir fermer. Mais alors je vous parle, j'ai vérifié, j'ai appelé. Il y a un service minimum qui est assuré. Les gens m'ont demandé qui vous êtes. Bon, dans cette situation, qui suis-je? Je ne suis pas, comment dirais-je, je ne suis ni président, je ne suis ni qui, je ne suis qu'un simple citoyen gabonais. Je n'ai pas voulu leur donner toutes mes informations, mais j'ai été honnête avec eux. Je dis, écoutez, je suis un résistant, activiste politique gabonais, qui cherche à savoir la vérité pour, n'est-ce pas, informer le peuple gabonais qui jusqu'ici en paye les pots cassés, parce que la situation du Gabon, du point de vue économique, elle est morose. Nous avons plein des entreprises qui, pour la plupart, comme nous le savons, que la France est le premier partenaire économique du Gabon et que toutes ces entreprises ont quitté, du coup, le Gabon. Alors, je vous parle, Ali Bongo Ndimba, il s'en fout. L'affaire a commencé avec Veolia, l'entreprise française, que nous savons la suite. Ils ont fermé, ils sont partis. Maintenant, aujourd'hui, nous avons appris des sources sûres que Jean Ebori, vous connaissez l'hôpital Jean Ebori, que le père Albert Ben Omar Bongo, dans son temps, avait construit. Cet hôpital, pour la réfection et pour la gestion de cet hôpital, Ali Bongo Ndimba, comme sentant que les Français sont en train de le lâcher, parce que je vous signale que la majorité des sociétés françaises, en ce moment, sur le sol gabonais, ont quitté le Gabon. Hein? Bureau Veritas en est l'une d'entre elles qui est en train de s'apprêter à mettre la clé sous le paillasson. Donc, le Gabon a signé, en ce moment où je vous parle, des contrats énormes, à des milliards, qui se chiffrent à des milliards, c'est des milliards de francs CFA, avec le gouvernement espagnol. Souvenez-vous, il y a eu une descente pompeuse du premier ministre espagnol au Gabon. Vérifiez l'information que je vous donne. Et à l'issue de cette rencontre entre le premier ministre espagnol et le gouvernement gabonais, donc, il y a eu des ficellements de certains contrats. Donc, vous, peuple français, vous, le gouvernement français, face à cette situation, et je l'ai dit la dernière fois, lorsque j'adressais mes condoléances à la famille de notre grand homme, Jabot, Jules Aristide Boudès Oguligende, je vous avais dit ceci dans mes propos. En passant, je vous avais dit ceci. C'est vous qui, en 2009, qui avez mis ce type, Ali Bongo Ndimba, au pouvoir. Et aujourd'hui, nous sommes en 2016, vous ne voulez pas vous prononcer. Vous avez dit non, parce que c'est une affaire interne, nous n'allons pas vous mêler des affaires du Gabon. Mais en 2009, vous étiez mêlé. Sarkozy, c'est lui qui a mis l'homme là, au pouvoir. Donc aujourd'hui, maintenant, voyez vous-même, toutes ces entreprises françaises qui sont en train de quitter. Bon, les hommes politiques, moi je ne vous crois pas trop, je n'ai pas trop confiance aux hommes politiques. Et moi-même, je ne crois même pas trop. Donc moi, ce que je vais dire aux entreprises françaises, je vous en prie, peuple français, arrêtez d'aller investir dans ce pays où nous avons du bordel. Arrêtez, nous avons la tête de l'État, un usurpateur et mafieux. Parce que nous l'avons, la preuve elle est là. Les Gabonais sont en train de croupir dans la misère. Comment pouvez-vous expliquer la ville où je suis né à Port-Gentil, qui, dans le temps, grand fournisseur du capital, pour ne pas dire du revenu national, dans le budget national du Gabon, 80% de revenus, 80% d'entrées d'argent. Ça vient de Port-Gentil, de l'Ouguen maritime, allais-je dire. Donc nous avons Gamba. Et Port-Gentil et tous ces environnements dans la zone d'Ombwe, parce que dans la zone d'Ombwe, nous avons un terminal flottant appelé Lucina, nous avons des activités pétrolières dans la zone d'Ongenjo. Donc, 80% du revenu national basé sur le pétrole vient de l'Ouguen maritime. Mes chers peuples français, je vous en prie, je n'exagère rien du tout. Et veuillez me croire, je parle avec des preuves. Je ne suis pas en train d'inventer n'importe quoi, c'est des vérités. Vérifiez l'information, je vous en prie. Port-Gentil, plus de 75% des Port-Gentiliens sont au chômage. La prostitution a atteint un niveau élevé. Je suis dans la santé. L'Organisation mondiale de la santé a des représentants. La Croix-Rouge qui est sur place. Ils m'ont dit, j'ai lu le rapport, qu'en 2016-2017, le taux de croissance et d'augmentation de la contamination du VIH-Sida a atteint le plafond. Et c'est vraiment tout un scandale. Ça, je vous parle seulement de Port-Gentil. Donc, je ne peux pas ici effrayer les Port-Gentiliens. Mais c'est pour vous dire que sur les chiffres qui m'ont été communiqués par la Croix-Rouge, nous avons plus de 19 000 contaminés par le virus du sida à Port-Gentil. 19 000, plus de 19 000. Pourquoi? Les raisons sont socio-économiques. Parce qu'il y a des couples qui, aujourd'hui, connaissent des moments difficiles. Le mari perd l'emploi. La femme, elle a quel choix à faire? Elle est obligée de faire la prostitution de luxe pour subvenir aux besoins de la famille. Nous avons les jeunes, la jeunesse gabonaise, exposée à elle-même. Il n'y a plus du travail. Et toute cette masse de jeunes qui, aujourd'hui, se retrouvent au chômage, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Quelle distraction? Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme distraction? Donc la situation est alarmante. Port-Gentil, qui, pour la majorité des Gabonais, je vous dis bien que la situation de Port-Gentil est alarmante. La société Satram, dont j'en parle depuis près de 6 mois, la situation est alarmante. Des milliards et des milliards. Les gares ne sont pas payées. À Sala, je l'avais dit, lorsque je vous avais prévenu que Assala est une entreprise d'Ali Bongo Ondimba et des Anglais, les gens n'ont pas voulu me croire, ils ont pensé que j'étais fou. Assala, la société qui a récupéré Shell. Je vous avais dit, je n'avais pas parlé comme un prophète, mais j'ai parlé sur des faits. Mais si nous étions à l'âge de l'ombre, où il y a de cela 10 000 ans, les gens auraient dû m'appeler que je suis un prophète. Je vous avais dit ceci, que sous Assala, les conditions de vie des Gabonais qui désormais travaillent pour cette compagnie qui était l'ancienne Shell, ils n'auront plus les mêmes conditions de travail. Il y aura beaucoup de primes, pour ne pas dire beaucoup de bonus ou encore avantages en nature qui vont être rétractés ou retirés. Les gens ont pensé que Moiré on vient fou. Alors je vous parle, je n'ai pas encore discuté avec des collègues qui sont toujours là-bas, qui travaillent pour Assala, l'ancienne Shell. Renseignez-vous, les Port-Gentiliens, renseignez-vous aussi ce que je veux faire, ce que je dis est faux. Ils sont en train, Assala est en train de revoir tout le contrat qu'ils avaient sous la Shell. Certains même sont en train de dire que nous ne sommes pas Shell. Shell, c'était les multimilliardaires, on n'a rien à voir. Mais Assala, le nom Assala ne vous dit pas quelque chose. Assala, c'est un nom gabonais. C'est un business entre des hommes d'affaires gabonais en tête desquels notre chef, votre chef là, qui est là, Ali Bongo Ondimba et ces gens. Comme les sociétés EDTPL, Sokoba et autres, c'est des sociétés gérées par les familles Bongo. Assala est une société gérée par la famille Bongo et quelques actionnaires anglais qui sont là-dedans. Et peut-être quelques minorités françaises. Donc, chers compatriotes, même cette Assala-là ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Nous quittons Assala et nous partons voir Total. Total, c'est vrai, il y a une forme de reprise d'activité. Parce que je suis au courant, je discute avec ces gens-là. Il y a eu des découvertes de pétrole par-ci, par-là. Mais l'emploi n'est toujours pas assuré. Le taux de chômage reste le même. Les maladies augmentent. Le taux de contamination du virus du sida, machin, de l'infection du virus, augmente. Et les AVC augmentent. Les gens ne font que mourir des arrêts cardiaques. Et la déprime. Je suis moi-même en psychiatrie. Le nombre de déprimés augmente. Aujourd'hui, et même le nombre de fous augmente dans les rues de Port-Gentil et Libreville. C'est grave. Cela est lié à quoi? Cela est lié au fait que beaucoup d'entreprises sont en train de quitter le Gabon. Et la plus grande crise qui frappe le Gabon, elle part du 27 août 2016. C'est de là où part toute la crise. Aujourd'hui, Ali Bongo Ondimba empêche Ping d'aller en France. Je vais vous dire, vous les activistes qui me suivez, moi-même je le suis. Aujourd'hui, si Ali Bongo Ondimba continue mordicus à empêcher le président Ping de sortir du territoire gabonais, c'est parce qu'il a un plan en tête. Voilà pourquoi votre humble serviteur qui vous parle, toutes mes vidéos, vous me voyez, je viens maintenant vociférer sur YouTube. Alors que sur Facebook, vous-même, vous savez le succès que cela a entraîné, bien que cela m'importe peu. C'est-à-dire, l'audience était tellement élevée. Mais à un moment donné, tout était brouillé sur Facebook. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Gabonais ne peuvent me suivre. Pourquoi? Mais c'est parce que Ali Bongo Ondimba sait bien que s'il laisse Ping venir ici, ça va rebooster l'énergie des opposants. Ça va rebooster l'énergie des résistants. Ça va redonner de l'espoir à tous ceux qui sont devenus froids, à tous ceux qui sont devenus tièdes. Aujourd'hui, le peuple, comment dirais-je, au sein de notre diaspora gabonaise, pour ceux qui sont activistes, derrière leur petit écran comme moi là, au lieu de parler des sujets très importants qui préoccupent l'avenir des Gabonais, qui doivent être des messages de sensibilisation et de stimulants ou de stimulation, si le mot existe, non, les gens n'ont plus d'autres sujets. C'est de venir parler d'affaires de X ou de Y. Autant pour moi. Ça devient une distraction. Des attaques sur Baïguette ou je ne sais qui, les femmes qui sont en train de se battre. Bon, moi, j'ai promis, je ne mettrai pas mon nez dedans. Je suis un initié, je suis un bouddhiste. Nous, on ne s'occupe pas des affaires des femmes. Quand les femmes se battent, laissez-les se battre. Jusqu'à ce qu'elles vont se fatiguer, il y aura quelqu'un qui va se lever et puis elles vont abandonner, jeter les éponges. Mais je voulais vous dire ceci. Que, chers activistes, chers résistants, nous avons d'autres sujets très préoccupants auxquels nous devons venir parler auprès des Gabonais. C'est que moi, je suis venu vous dire aujourd'hui, la situation de Bureau Veritas, elle est alarmante. C'est un signe parmi tant d'autres que le gouvernement gabonais est aux abois. Maintenant, ils ont signé un contrat avec le gouvernement espagnol. Jean Ebori va être géré à 50% par les Gabonais et 50% par des Espagnols. Vérifiez la source d'information, allez-y vérifier. Moi, quand je viens de dire mes choses, je ne raconte pas n'importe quoi. Et ensuite, en dehors de cela, il y a les Chinois, pas tous les Chinois. Il y a certaines entreprises chinoises également qui, dans l'ombre, ont signé des contrats avec l'État gabonais. La Russie, autant pour moi, la Russie, de l'homme là qui a été réélu à presque de 80%, comme un dictateur en Afrique, je ne sais pas. Bon, ça c'est son business, apparemment les Russes l'aiment. Donc le type là aussi a signé, dans l'ombre, avec le gouvernement gabonais. Mais il est très hésitant parce que, vous savez la situation entre la France et la Russie, ça a commencé depuis sous Nicolas. Et en plus forte raison, ce petit Macron, qu'est-ce qu'il va faire avec ce type-là? Donc, le gouvernement russe est très prudent dans ses engagements-là avec le gouvernement gabonais. Il est en négociation. Mais nous autres, nous sommes au courant. Certains d'entre nous, nous sommes en train de parler avec ces Russes-là, qu'on ne doit pas travailler avec un gouvernement venant tout droit des ténèbres, dont la situation actuelle fait en sorte que nous, on ne peut pas aller dans notre pays. Nous, en ce moment, nos frères et femmes, nos familles au Gabon sont en train de mourir. Le taux de mortalité maintenant du Gabon va descendre même à 40 ans. C'est grave. Pourquoi? Parce qu'il y a les AVC qui tuent les gens. Il y a la déprime qui emporte les gens. Et il y a les maladies, sida et toutes ces histoires-là. Ça entraîne les gens. Comment voulez-vous? Donc, ce que je voulais vous dire, chers compatriotes, c'est que Ali Bongo Ondimba, ça c'est le deuxième point, avant de conclure, parce que je ne vais pas vous garder trop longtemps, le deuxième point auquel je voulais maintenant vous entretenir, c'est de vous informer que si le gouvernement gabonais empêche le président Ping, pour la deuxième fois il l'a empêché, je crois le mois dernier, c'est parce que Ali Bongo Ondimba sait que en empêchant Ping de venir ici, c'est une stratégie pour affaiblir la lutte que nous nous sommes engagés. La lutte, c'est-à-dire affaiblir, en tout cas pas moi, il ne va pas m'affaiblir. Moi si on ne me voit plus trop parler à faire politique, ça n'a rien à voir. Moi je suis occupé, je dois m'occuper de ma famille, je dois faire mon travail, je dois faire mes études, je fais d'autres choses. Mais, comme je vous l'ai dit depuis le début, moi si je me suis engagé dans ce combat, ce n'est pas pour chercher un poste. Même si M. Jinping devient président, quel que soit le poste qu'on va proposer, il sait, je lui ai parlé ça plusieurs fois dans tous mes lives, que je ne cherche pas une position dans le gouvernement. Je suis content du boulot que je fais, je suis content de ce que je fais, j'aime ce que je fais. Et vous le savez très bien. Rarement, je viens parler sur mon temple ici de Takanzambe, venir parler affaires politiques. Et vous savez déjà, comment dirais-je, quel est le domaine que je maîtrise. Et je le fais depuis des années ici aux États-Unis. Je suis dans d'autres réseaux ici américains où ces gens-là, vraiment, je reçois, ça me donne même des revenus. Mais ce que je fais ici, c'est gratuit parce que je sais que la situation du Gabon, elle est catastrophique. Je parle de mon affaire de Tatanzambe où je parle de spiritualité. Donc aujourd'hui, particulièrement et exceptionnellement, je suis venu parler de l'affaire de Bureau Veritas, c'est parce que c'est un dossier que je connais. C'est parce que j'étais moi-même inspecteur dans l'expertise de PVI et de PVE, des programmes de vérification à l'importation et à l'exportation. Et j'ai connu l'ancien directeur général de Bureau Veritas, M. Lemaître. Et j'ai connu d'autres, des compatriotes gabonais. Je ne sais pas s'ils vivent encore. François, comment il s'appelle encore? Monsieur Alphonse Ngouata, qui travaillait là-bas, je ne sais pas s'il y est toujours. Nous étions tous des collègues, des inspecteurs des hydrocarbures, parce que Bureau Veritas également fait l'expertise dans les hydrocarbures. Je vous ai dit, allez-y vérifier toutes les stations à essence du Gabon. C'est Bureau Veritas qui a eu le contrat de cette affaire-là. Donc, c'est un domaine que je maîtrise et j'ai travaillé là-dedans avant de travailler pour la compagnie Shell Gabon et de venir ici aux États-Unis. Donc, c'est pour cela que je parlais de ça. Et ensuite, c'est une alarme auprès du peuple français pour leur faire comprendre que voilà, vous avez donné confiance à ces types. Ah, Macron, tu attends quoi? Oh oui, on va se mêler des affaires internes, c'est pas notre... Parce que c'est ça que vous dites là-bas aux Champs-Élysées. Oh non, c'est une affaire interne. Quelle affaire interne? C'est votre type-là, Nicolas, que vous avez arrêté, qui a mis Ali Bongo là. Maintenant, nous, on fait comment? On va faire quoi avec lui? Après, nous, quand on va commencer à bousculer, on va passer par la violence, vous allez dire, oh non, voilà, maintenant, ceci, c'est là. Donc, agissez le plus tôt possible. C'est pas parce qu'en ce moment, vous constatez que la résistance gabonaise au niveau de la diaspora est calme. Ça ne veut pas dire qu'on faiblit. Bon, c'est vrai qu'il y a des achetés, c'est vrai qu'il y a des froids. Moi, je l'ai déjà expliqué, allez-y suivre ma vidéo où je parle des froids, des chauds et des machins. Moi, je fais partie des chauds et je ne vais pas abandonner ce combat. Jamais! Ça, je vous le dis. J'ai d'autres manières où je peux contribuer à ce combat-là. Et c'est le domaine que je maîtrise. Mais une fois en passant, je peux venir vous dire que, quand même, on ne va pas continuer comme ça. Il y a des amis et connaissances qui sont du PDG, qui sont là parmi vous, qui me suivez. Moi, je ne suis pas contre... qu'est-ce que je voulais dire? Parce que les gens m'ont toujours posé des questions, mais toi, avec toutes les connaissances mystiques que tu as pas fait du mal à Ali Bongo, je dis non. Je n'ai pas, nullement, je n'ai pas retardé mon évolution spirituelle pour venir tuer quelqu'un. Non. Est-ce que je suis capable de le faire? Oui. Mais est-ce que j'ai le droit de le faire? Non. Ah, est-ce que ça veut dire dans ce cas que je suis donc content que Ali Bongo Ondimba ait tué tous les... Peut-être pas lui, mais de manière indirecte, il a envoyé l'armée aller bombarder le QG du président Ping, ainsi de suite. Donc moi, ça me donne la joie. J'ai dit non. J'ai des miens que j'ai perdus de loin et de près. En 2009, il a buté mon beau-frère, muié de son état. C'est un militaire qui l'a tué. Moi, je pourrais bien me venger de cela. J'ai dit non, mais je suis un homme de lumière. Et quand on est dans la lumière, on laisse les choses évoluer. Il y a d'autres voies et moyens qui peuvent aboutir et qui peuvent faire déclencher le processus de libération du peuple. Hein? Monsieur Gandhi, libérateur du peuple indien. Allez-y me demander quelle arme il a utilisée. Mais aujourd'hui, le peuple indien est en paix et tranquillité. Donc, quel que soit le temps que ça va prendre, veillons patienter. Donc, disais-je, merci beaucoup de nous encourager ici. Que ce n'est pas le moment de se refroidir. Hein? Ne nous refroidissons pas, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'Ali Bongo Ondimba, il utilise cette arme-là. Allez-y compter maintenant les gens qui font les lives aujourd'hui. Là. On les compte du bout de doigt. Les vrais gens qui se battent pour une véritable libération du Gabon, allez-y les compter. On les compte du bout de doigt, il n'y a même pas 10. Donc c'est pour vous dire que Ali Bongo Ondimba est content. Et c'est à cause de ça, il empêche Ping de venir là-bas en Europe et peut-être de faire un tour ici. C'est parce que Ali Bongo Ondimba est conscient que en bloquant Ping, ça va nous décourager. Mais c'est une erreur. Il se trompe. Nous n'allons pas nous décourager. Nous allons continuer notre combat jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on ira. Merci beaucoup. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous pour dire que bon, le gouvernement Bongo est aux abois et qu'en ce moment, les Français, vous qui vivez en France, il faut faire passer les tracts. Il faut faire comprendre à ces Français-là que vraiment, le Bongo, il perd la tête. Il est en train de faire la chasse aux entreprises françaises. Et vous êtes là. C'est vous qui l'avez mis. Et voilà maintenant comment il traite le peuple gabonais. Aujourd'hui, il sous-traite maintenant avec les Espagnols, il veut sous-traiter avec les Russes, il veut sous-traiter avec les Chinois, lesquels même Chinois sont en train de piller nos forêts gabonaises, c'est-à-dire dans le secteur du bois. Hein? Allez-y savoir. Tous les bois essentiels, tous sont en train d'être pris par les Chinois, avec la complicité de certains membres du gouvernement d'Ali Bongo Ondimba. Donc, vous voyez, donc, c'est pour vous dire, cher peuple gabonais, que cette situation nous préoccupe. Bureau Veritas, qui va quitter le Gabon bientôt, en est un exemple. Il était un grand contributeur, il a contribué énormément à l'économie du Gabon. Il faisait rentrer quand même des milliards et des milliards à l'État gabonais. Et l'État gabonais est incapable de pouvoir lui payer en retour son dû. Et ce n'est pas normal. Donc, et ça a de fait qu'augmenter le taux de chômage. Et les Gabonais ne savent plus ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre temps. Et pour ceux qui sont vaqués à d'autres préoccupations également. Et que la lutte doit continuer. Et même si Ali Bongo continue toujours à empêcher le président Ping de sortir du territoire gabonais, nous ne devons pas lâcher ce combat. Et les bagarres entre les femmes là, moi je ne mettrai jamais mon nez dedans. Vous pouvez vous battre jusqu'à ce que vous allez vous étouffer. Ça, c'est votre business. Je suis initié, je ne rentre pas dans les histoires là. Mais ce que je voulais dire, nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Et nous concentrer sur l'essentiel, c'est que nous avons en face un pouvoir aux abois. Nous avons en face un pouvoir qui veut faire tout le possible pour nous diviser, pour nous refroidir, pour faire en sorte que Ping s'affaiblisse. Parce que la mort de Jabot, que Dieu ait son âme une fois de plus, et je vous remercie d'avoir ici écouté mon message, parce que j'avais dit la dernière fois que laissez d'abord la famille enterrée, laissez d'abord les gens s'occuper des funérailles, arrêtez de trop parler de ce type. Hein? Si vous avez quelque chose contre lui, attendez, bien gardez ça pour vous. Vous n'avez pas besoin de venir sur les médias pour dire aux gens, voilà, moi je ne veux pas, je n'ai pas du respect pour la mort de ce type, oh ceci, cela, qu'il soit mort ou pas. Non, on ne fait pas ça, il faut du respect pour les morts. Et sur ce, je vous prie donc d'aller vérifier ma vidéo sur la mort. Et j'explique très bien dans les détails comment nous devons nous comporter quand quelqu'un meurt. Donc, sur ce, je tiens encore une fois de plus à vous remercier. Et ce samedi, nous allons nous retrouver, relayer le message, c'est sûr et certain, sauf si Nzamba Kana décide de me retirer le souffle de vie. Mais en tout cas, tel que c'est planifié, même les génies ont déjà accepté. Ce samedi, donc, à l'heure prévue, je viendrai m'entretenir avec vous sur la décolonisation. Et comme je l'avais dit la dernière fois, ce sujet sur la décolonisation, selon ce que les génies m'ont communiqué, c'est un sujet qui peut durer même jusqu'à 2 ans. Car cette décolonisation, elle est sur 4 segments. 4 segments très indispensables. Nous avons la décolonisation économique. Et celle-ci, les départs de Bureau Veritas, les Français qui ont tellement investi au Gabon, et toutes ces histoires-là, et tous ces blancs, pardonnez-moi, je ne suis pas trop raciste, quand j'utilisais le mot blanc, c'est par accident, pardonnez-moi. Tous ces colons qui viennent, toutes ces entreprises européennes qui viennent, je ne vais pas anticiper, mais c'est de ça dont je veux parler sur la décolonisation économique, la décolonisation politique, ok? Et ensuite, je parlerai de la décolonisation du point de vue spirituel, et c'est de celle-là que je veux m'entretenir avec vous ce samedi. Je vous prie donc d'inviter beaucoup de gens, parce que sur cette décolonisation spirituelle, je ferai un brassage sur les problèmes de religion qui ont envahi l'Afrique à partir du 16e siècle, parce que c'est la date exacte que les religions ont commencé à envahir certaines parties de l'Afrique. Et je dirais le 8e siècle, en parlant de l'islam et le christianisme. Bon, c'est beaucoup plus vers le 12e siècle et dans la zone du Gabon et l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, je vais vous amener, comme votre humble serviteur le fait toujours, je viendrai avec des dates que vous pouvez vérifier, avec des noms que je viendrai vous en parler. Et que le mot Afrique, qu'on découvre Afrique, ce n'est pas normalement le nom de notre continent. Avant ça, ça avait un autre nom. Vous allez tout découvrir ces histoires-là et les pratiques qui se faisaient. Quelle est la plus vieille religion du monde qui a plus de 25 000 ans d'existence? Et vous serez surpris que cette religion la trouve chez nous, au Gabon. Donc c'est de ça que je vous parlerai. Et je vous parlerai justement de l'influence que toutes ces religions-là ont faite sur le mental des Gabonais d'une manière particulière et le mental des Africains d'une manière générale. Et que ces religions, certes, ont apporté certaines choses, certains bénéfices, mais je vous amènerai également au conseil, en dehors du conseil de Nice, de Nicée, entretenu par Constantin le Grand en l'an 325 de notre ère. Je vous amènerai également qu'il y a eu un conseil récent qui s'est passé sous le pape Pie VI, c'est-à-dire en 1971, cette conférence-là, je tiendrai à vous donner certaines informations clés, comment ils ont fait donc pour nous gaspiller les têtes et nous embrouiller avec leurs égrégores. C'est des révélations que je vous prie de bien vouloir faire en sorte que votre âme serviteur soit en vie, que je viendrai partager avec vous. Parce que en 1971, au mois d'août de 1971, à Bangui, Centrafrique, il y a eu des décisions graves et dangereuses pour l'avenir de l'Afrique. Et c'est depuis lors que nous sommes envahis par des égrégores diaboliques qui agitent les Gabonais, on ne peut plus avoir le sommeil. Donc c'est de ça que je vais vous parler. Alors j'aurai des raisons valables et j'ai des raisons valables pour vous dire qu'il faut qu'on se décolonialise spirituellement. C'est-à-dire qu'il nous faut une décolonisation spirituelle. Nous en débarrasser des égrégores. Certaines bien sûr, pas toutes. Et le reste, on en parlera. Voilà donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et samedi donc, on se retrouve. Je vous prie de relayer l'information à tous les foyers gabonais, à tous les Africains, parce que ici, je ne suis pas seulement suivi par les Gabonais. Parce que je viens d'apprendre la dernière minute que même YouTube, les Gabonais ne peuvent même pas suivre. Je suis parti de Facebook en pensant que les Gabonais ne suivaient pas, donc YouTube aussi c'est pareil. Donc pour vous qui avez, voilà pourquoi j'essaie de limiter mon temps, il me reste seulement 3 minutes là, avant les 50 minutes pour arrêter vite. J'avais promis 30, bon, écoutez, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Bon, je ferai donc désormais l'effort que en moins d'une heure, je vais vous entretenir, même sur ce sujet brûlant de la décolonisation spirituelle. Je serai obligé de limiter le temps, parce qu'on m'a reproché que non, il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui ne suivent plus, malgré le fait que votre humble serviteur ici est très inspiré et vous parle. Alors, c'est sur ce donc que je vais pouvoir vous quitter, soyez bénis, vérifiez sur mon poste, si je ne me trompe pas là, à quelle heure j'ai mis même là. À 21h, voilà, 21h, pour samedi. Samedi à 21h. Et ça fera 16h, heure des États-Unis. Ou bien 4 du matin pour ceux qui me suivent souvent en Chine. Parce qu'en Chine, il y a des gens qui me suivent. Pour ceux-ci, donc, vous allez me suivre à 4 du matin. Et en Finlande également, il y a des gens qui me suivent. Il faut ajouter ou enlever 4 heures de l'heure d'ici, des États-Unis. Donc voilà, samedi, nous allons nous retrouver sur ce sujet très important, qui est un sujet spirituel. Et ça fait partie également de la mobilisation et la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, l'homme gabonais est complètement bloqué. Il ne peut plus évoluer avec ces histoires des égrégores de étrangers. Que Dieu vous bénisse, Nzamba Kana, prenne soin de vous, et que d'ici là, nous allons nous retrouver, et par sa grâce, et tout ira très bien, et nous prions vraiment que les génies nous viennent en aide et nous protègent, et que les génies vraiment aident notre pays de se réveiller. Donc nous allons nous séparer avec la musique du pays, pour pouvoir avoir la paix, et que Nzamba Kana nous donne la force de pouvoir nous retrouver d'ici là, et que tout se passe très bien. Merci beaucoup. Donc nous allons apprécier ce moment de musique du pays traditionnel. La sitar de chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, samedi, on se retrouve samedi. On se retrouve samedi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Nzambakana, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup Nzambakana, merci, merci, merci. Merci beaucoup. Ah Nzambakana, merci. Oh, toi qui es au-dessus, toi qui es au-dessus de tout l'univers, toi qui es au-dessus de tout, de tous les univers. Nzambakana, le Dieu suprême, le Dieu des dieux, celui dont on ne peut pas nommer, que les humains ont nommé Dieu, en réalité ça c'est pas ton nom. Mais ton nom est au-dessus de tous les noms et de tous les mystères. Merci beaucoup Nzambakana, merci beaucoup, merci. Merci de bénir ton peuple, merci. Merci de faire en sorte que ce message puisse aller dans le cœur, tout droit le cœur de nos compatriotes, de nos frères gabonais en particulier, et de nos frères africains en général. Que la crise à laquelle nous sommes frappés, la crise de la dictature sans mesure, et dont le nom, on ne peut donner un nom à cela, qui est une dictature tout à fait diabolique, inspirée par les forces du mal, Nzambakana. Nous te prions, par ta puissante lumière, d'intervenir, d'éveiller les consciences, d'éveiller tous ceux qui ont des dons, tous ceux qui de loin et de près étaient comme moi, dans le silence, mais qui se réveillent avec les dons que tu as mis en nous, afin que nous puissions sensibiliser la masse, afin que nous puissions apporter des messages de puissance venant de toi, Nzambakana. Merci, merci, merci de bénir ton peuple. Merci. Et merci d'éloigner de toutes les attaques, de nous éloigner de toutes les attaques de l'ennemi. Merci beaucoup. Car nous savons que sous ta lumière, et sous ta houlette, et sous ta protection, aucune arme forgée contre nous ne pourra nous atteindre. Parce que tu veilles sur nous 24 heures sur 24. Oui, aide-nous à pouvoir ne pas être distrait. Aide-nous à méditer, à prier, à être occupé dans les affaires spirituelles, à être occupé dans la propagation, la propagande de ton nom, et de tes vertus, et de tes messages. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ha. Merci, merci, merci, merci, merci, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés, Nzambakana, merci. Et que ta volonté soit faite et non la nôtre. Merci beaucoup. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Merci beaucoup. Merci. Accorde-nous la sagesse et la puissance. Accorde-nous la sagesse et la puissance. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Et que ton nom soit toujours, que ton nom soit toujours honoré. Et que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans ce temple du savoir, oh Nzambakana, Tata Nzambe le Tout-Puissant, c'est un temple du savoir et du recevoir. C'est un temple de connaissances inouïes venant tout droit de toi et dont tu utilises tes génies de le déverser sur ton serviteur. Aucun accès à un inconnu ou à un méchant de pouvoir accéder. Et qu'il soit brûlé, terrorisé et détruit par ta puissance, la lumière qui vient de toi. Oh Nzambakana. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Merci. Tu es celui qui a dit que tout vous sera toujours accordé. Car nous, notre demande et nos demandes sont des demandes légitimes. Merci beaucoup. Merci. Nos demandes sont légitimes. Merci beaucoup. Merci, merci. Sois béni, sois béni. Sois béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu vas me couper de la boue, tu vas me couper de la boue, tu vas me couper de la boue. Oh, dear, in the bacana. Bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et on se retrouve samedi. Merci beaucoup. Merci.